C'est juste une armée de blaireaux. C'est pas évident de faire répéter autant sans devenir trop arrogant. On fait ce qu'on peut avec nos cheveux, même s'ils disent que c'est pas beau. Je le couperai jamais, mec, c'est juste une armée de blaireaux. Y'a la trop bien, ça va mal. C'est juste une armée de blaireaux.